c'est à pas cette mais wapam la mais à l'assemblée. Quand j'ai parlé ni bifali c'est même ma goût à sauté. C'est yo, c'est qui va plaire se mettre. C'est qui on n'est pas compris mon fait sous son pal d'un béat. C'est qui on a fait. Nous avons manifesté ça nous va nous pas s'épuiser. Tout pas qu'à vous nous mettre ça sous la haine à dévisser. Tu as des bourdes. Nous avons dit à tuer et puis c'est ça. Tu as des bourdes. Nous vous payons pour nous jurer c'est ça l'idée. Allez moi, mais moi je crois pas des bourdes. Ça fait 10 ans ça n'existait pas j'en fais blico. Ma vie a passé c'est ça qui est plus yo pas les brico. Et bien bon.